Hors agglomération, les dangers sont signalés 150 mètres à l'avance. Si cette distance n'est pas respectée, il y a obligatoirement un panonceau pour préciser où commence le danger. Si le danger s'étendait sur 150 mètres, il serait signalé ainsi. Ce n'est pas le cas ici. C'est donc la règle générale qui s'applique. Réponse C.